d'accord. Attends. J'ai mis ça, moi, en gros. peut-être ça. Lola, tu sais maman que je suis Morgane de toi. Tu sais maman que je suis Morgane de toi. 132. Quand tu vas où je suis pas, oh. Tu sais maman que je suis Morgane de toi. Elle manque des accords. Lola, j'ai qu'un fantôme quand tu vas là où je suis pas. Tu sais maman que je suis Morgane de toi. J'suis qu'un fantôme quand tu vas. Ça fait ré, ré, la, mi, sol, ré, la, do, sol, ré, la. Thank you. JP. Thank you. tu vas, où je suis pas. Sa mobilette.